Pirate! Quel gars-là qui cherche à se cacher. Une femme! Pardieu! La surprise est heureuse. Pirate! Malheureuse! Que viens-tu faire ici? Ta mère se meurt, et ta mère ne vaut. Bye. crois, s'il te plaît. Il est là, qui donc, lui, Don José, dans la foule il se cache, regarde. Oui, je le vois, regarde. Je ne suis pas femme à trembler devant lui. Je l'attends et je vais lui parler. Carmen, vois-moi, regarde, je ne crains rien, regarde. Que tu n'étais pas loin, que tu devais venir. L'on m'avait même dit de craindre pour ma vie. Mais je suis brave et n'ai pas voulu fuir. Je ne menace pas, j'implore, je supplie. Thank you. Carmen, ah, ne me quitte pas. Jamais, Carmen, ne céderas. Donnez. Tiens! Eh bien!